histoire qui refait surface au bon moment. Parlons bif, parlons bien. J'suis lancé vers le million. J'y rejoindrai tout de suite la vie qu'elle veut me présenter. Une histoire qui reflète ce que j'avais projeté. À l'intérieur c'est vide, j'm'épanouis. J'y risquerai d'éveiller ma folie. Que la monnaie s'invite dans la famille. Car la brune est bienvenue dans la partie. Une histoire qu'on retient. Une histoire qu'on retient. Y'a que des bavons chez les miens. Y'a que des bavons chez les miens. Une histoire qui refait surface au bon moment. Parlons vite, parlons bien. J'suis lancé vers le million. J'y rejoindrai tout de suite la vie qu'elle veut me présenter. Une histoire qui refait ce que j'avais projeté. À l'intérieur c'est vite, j'm'épanouis. J'irai bêtement, j'irai même changer la déco. Elle veut pas de monnaie d'échange quand elle retire ses sous-vêtements. Parce que je peux pas lui donner. Elle veut mon cœur, mais moi je peux pas lui donner. Mais j'ai du caviar, du ruinard, des macarons. Elle préfère les Audi que les méconnais. Une histoire qu'on retient. Une histoire qu'on retient. Y'a que des bavons chez les miens. Y'a que des bavons chez les miens. Une histoire qui refait surface au bon moment. Parlons bif, parlons bien. J'suis lancé vers million. J'y rejoindrai tout de suite la vie qu'elle veut me présenter.